suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyenne. Bonjour, Madame Werner. Wie geht es Ihnen? Gut, Herr Braun, an Ihnen? Et geht, merci. Wat aus dat wieder? Ja, et hat die richtig Flemm. Voilà un dialogue typiquement luxembourgeois. Bonjour, Madame Werner. Comment allez-vous? Bonjour, Madame Wagner. Wie geht es dir? Bien, Madame Braun. Et vous? Gut, Madame Braun oder Herr Braun. An Ihnen? Ça va, merci. Et geht, merci. Ah, quel temps! War das da de wieder? Oui, on a vraiment marre. Ja, et tu es de richtig flemme. Et tu es de nes saat. Si on rencontre une personne qu'on tutoie, on demande « Wie geht es dir ?» Ce « dire-là », bien sûr, est aussi un datif. Le datif de « tu », d'où, et n'a rien à voir avec le « dire vous » que nous venons de voir. « Wie geht es dir ?» Comment allez-vous ?« Wie geht es dir ?» Comment vas-tu ? Vu le temps maussade qu'il fait dans notre dialogue introductif, la meilleure chose à faire est sûrement d'aller boire un verre. Comme, mir gin ein paar holen. Ou, comme mir gin ein paar trinken. Oder simplement, mir gin ein holen. Allons boire un verre. Le mot pat désigne aussi bien un verre en général qu'un verre de vin. Ein paar wein, ein paar rode wein, ein paar weiße wein. Un pat Riesling, un pat Rivana, deux vins luxembourgeois que vous connaissez sûrement. Mais les luxembourgeois emploient aussi souvent un diminutif de pat pour désigner un verre de vin de 0,2 centilitres. Un patchen, un patche wein, un patche rode wein pour le rouge et un patche weiße wein pour le blanc. Rode wein, weiße wein. Et voilà, le garçon qui s'amène. Wat drink dir, wann ich gelift? Qu'est-ce que vous prenez, s'il vous plaît? Ich hole Bier oder ich trinke Bier. Je prends une bière. Ich hole Wasser. Je prends de l'eau. Un orange jus. Un jus d'orange. Un apple jus. Un jus de pomme. Un tomate jus. Un jus de tomate. Bien sûr, pour la bière, il faut préciser si on veut une bière en bouteille, un flash beer, ou une bière pression, où on a le choix entre un humpen, une expression que vous avez sûrement déjà entendue et qui correspond à 0,33 centilitres, ou bien un mini, 0,25 centilitres, et un flûte. Bonjour, monsieur. Wat drink dir, wann ich gelift? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous prenez, s'il vous plaît? Ich hol einen Humpen. Je prends une bière. Und dir, madame? Et vous, madame? Bringt mir ein Orangejus, wann ich gelift. Apportez-moi un jus d'orange, s'il vous plaît. A wat hältst du, Jenny? Et qu'est-ce que tu prends, Jenny? Kann ich ein Kaffee kriegen, wann ich gelift? Puis-je avoir un café, s'il vous plaît? Ein Kaffee mit Milch und Zucker. Un café avec du lait et du sucre? Mat Milch, mais uni Zucker. Avec du lait, mais sans sucre. Mat Milch, mais uni Zucker. Comme vous l'aurez remarqué, nous avons employé ici quatre verbes différents qui sont pratiquement interchangeables dans ce contexte. Ich holen ein Humpen. Je prends une bière. Holen. Prendre est irrégulier, comme nous le démontre une des phrases suivantes. Wat hältst du, Jenny? Ou le hältst, wat hältst du, est l'indicatif présent à la deuxième personne singulier. Bringt mir un orange jus. Bringen, apporter, est un verbe régulier. Kann ich ein Kaffee kriegen? Puis-je avoir un café? Le verbe kriegen est irrégulier et veut dire recevoir, obtenir. Un café mit Milch und Zucker. Le mat veut dire avec et le sans, nous le trouvons dans la phrase suivante, mit Milch, mais ohne Zucker. Donc, ohne veut dire sans. Le « mais »,« mais onitsoka » veut dire exactement la même chose qu'en français. Reprenons notre petit dialogue. Bonjour monsieur, wat dringt dir? Ich hol nen Humpen. An dir, madame? Bringt mir un orange jus, wenn ich gelift. Notons que le mir est ici le datif du pronom personnel ich, je. Bringt mir un orange jus. A wat hältst du, Jenny? Kann ich e Kaffee kriegen, wenn ich gelift? E Kaffee mit Milch und Zucker? Mit Milch, mais ohne Zucker. 5 minutes plus tard, le garçon est de retour. Hei as ein Humpen, monsieur. Voici votre bière, monsieur. An hei as un orange jus für madame. Et voici un jus d'orange pour madame. Hei as dein Kaffee, Jenny. Voici ton café, Jenny. Vielmals merci. Merci beaucoup. Et nous nous entendons dans quelques jours.